On va parler des Saguenay de Chicoutimi avec notre ami Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Danny. Sébastien, écoute, ce matin, je vais lui parler tout à l'heure, parce que c'est le chroniqueur de la NFL dans Radio Sport. Marc Diquet de Radio X Saguenay, pour les gens qui ne savent pas, avait tenu une gageure avec les Saguenayens de Chicoutimi. Lui, il était certain que Jermaine Rutsoff n'arrivait pas avec les Sags. Et tu peux même te gager que s'il arrive, je serai le gardien d'entraînement des Saguenayens. Or, on En fait, connaît. c'était pas précis comme ça. La gageure était qu'il était l'esclave de Yannick Jean pendant une tournée complète, mais on a transformé ça avec une pratique des 16. Puis comment que ça. Je l'écoutais tout à l'heure à Radio X tantôt, puis il me disait que bon, ça a quand même pas ça a quand même été intéressant. Oui, écoute, c'est toujours intéressant d'entrer dans l'antre, c'est-à-dire d'être privilégié puis de s'approcher. Le plus près possible d'un calibre aussi relevé que le hockey junior majeur. On l'avait fait avec Dave Hensley du quotidien pendant le camp d'entraînement au tournoi à bout de souffle, puis il avait écrit un papier disant à quel point c'était rapide, puis du haut des estrades où on n'a peut-être pas conscience. Tu sais, souvent, un joueur fait une erreur, puis on se dit « Tabarnouche, pourquoi il a manqué ça? » Mais quand on arrive sur le plancher, on découvre à quel point c'est rapide et difficile de tenir la cadence d'un match de hockey junior. Dickey était là pendant quelques minutes sur la glace, puis il a de la misère à se tenir debout. C'est parce que les patins lui font mal, l'équipement c'est lourd, pas habitué de la posture. Un gardien de but, là, en partant, c'est un environnement hostile autour de lui. Il y a des patins pas confortables, il y a un équipement qui est très très lourd, qui encombre un peu. C'est pour le protéger, mais c'est pas évident de se déplacer avec un équipement de gardien de but. Ça aurait peut-être été plus facile s'il avait été joueur. Arriver en gardien quand ça fait 30 ans que t'as pas patiné, déjà le mettre sur la glace, c'était de toute beauté. La grâce incarnée se Marc Diquet dans un équipement de gardien de but. Puis c'est le fun de voir à quel point c'est élastique un équipement de gardien. Je veux pas être chien, mais Marc est pas très très svelte là, dans l'uniforme de il Marc Diquet. Ressemble à Roberto Luongo. Les gens qui ont vu la photo sur les médias sociaux, là, je peux-tu vous dire que est vraiment bonne la photo? Ouais, photo prise par Martin Thomas Côté, son collègue. Puis moi, je le comparais plus à Sergueï Mylnikov, mais plus grand un peu. Oh monsieur, c'est pas fin comme comparaison parce que les Ouais, mais gens. il l'a accepté, il l'a accepté. Donc c'est pas mal intéressant. Puis j'imagine que les joueurs, comment ils se sont comportés avec? Ils ont dû avoir du fun. Ben exactement, ça détend l'atmosphère. Ben Hier, on pratiquait très solidement sur la glace, là. Ça a été oui. un très bon entraînement de Yannick Jean hier matin. Aujourd'hui, c'est un peu plus détendu. T'sais, on va se mettre à la page là, pour les matchs de jeudi et vendredi ici à la maison contre les Foreurs de Val-d'Or. Mais aujourd'hui, ça a bien fait. C'est un petit relâchement de quelques minutes avant l'entraînement. Les joueurs prenaient des paris, à savoir combien ils allaient en arrêter. Finalement, je te jure qu'il n'en a pas arrêté beaucoup. Roubtsov, entre autres, a fait une échappée devant lui puis il l'a déjoué très, très, très facilement. C'était très prévisible, tu sais. Roubtsov est capable de jouer les meilleurs gardiens de but de la ligue. Quand tu arrives avec un gars qui a de la misère à se tenir sur ses deux patins, c'est encore plus facile pour le Russe qui était de retour à l'entraînement ce matin, soit dit en passant. Les Saguenay en fin de semaine. Oui, écoute, une belle fin de semaine. En fait, ça s'est passé jeudi, vendredi dernier. Deux belles victoires, c'est quatre victoires de suite là, pour les hommes de Yannick Jean. T'sais, la victoire de 6-2 face au Husky de Rouyn-Noranda, c'est un message quand même assez clair, je dirais, aux autres équipes de la ligue. Venez vous en pas au Saint-Georges en pensant que ça va être facile. C'est plus facile de venir disputer des matchs ici. Les gars sont prêts. Les gars sont de plus en plus. La chimie se crée. Puis bon, ben, on a perdu Roubtsov après les premières minutes du match à sa deuxième présence, a chuté lourdement en tentant de s'en sauver en échapper. Puis ça, c'est plate un peu. Là, t'sais, une des meilleures équipes de la ligue qui fait trébucher un des meilleurs joueurs en devenir. Alors que bon, le jeu était déjà perdu, puis il accorde une chance de marquer officiellement. Tu peux laisser ton gardien faire le travail aussi. Là, oui, c'est Rubtsov, mais le gardien n'est pas mauvais non plus de l'autre côté. Harvey aurait pu faire l'arrêt. C'était peut-être une mauvaise décision du défenseur à ce moment-là, mais bon, son intention n'était certainement pas de blesser German Rubtsov. C'est arrivé, c'est un bête accident. On craignait le pire, heureusement, ça ne fut pas le cas. Là. On a eu des bonnes nouvelles là, dans les heures qui ont suivi, puis on a lu le diagnostic des médecins. Mais bon, c'est un gros message de passer par les hommes de Yannick Jean aux autres équipes. Battre les champions en titre de la Coupe du Président, même s'il y avait des blessés. C'était pas une commande de tout repos. C'est une très bonne équipe de hockey, beaucoup de profondeur, beaucoup d'armes, beaucoup de pièces là, dans le puzzle de l'entraîneur-chef pour battre les autres équipes. C'était pas évident. Lendemain, contre l'Océanique de Rimouski, c'est toujours des matchs qui sont assez difficiles. L'arbitrage a été tough, je dirais, dans les deux matchs. Ça a été les mêmes officiels, les deux rencontres. Puis dans le match de vendredi, ça a été très, très, très difficile. Il n'y a pas eu de pénalité à l'Océanique avant les cinq dernières minutes du match. Puis les Sags, pénalité par-dessus pénalité. Les Sags méritaient probablement 95% de leur pénalité. Mais à un moment donné, ça se peut pas qu'une équipe devienne indisciplinée seulement dans les cinq dernières minutes du match. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. T'sais. Puis même contre les Huskies, puis quelques matchs auparavant, les Sags, l'année passée, c'était l'équipe la moins punie de la LHJMQ. Cette année, ça a beaucoup reviré. Puis pourtant, on a quand même les mêmes joueurs, ou presque les mêmes joueurs, qui constituent le noyau de l'équipe. Ça peut pas changer du tout au tout. Puis Yannick Jean n'a pas changé son style de coaching, puis il n'aura pas demandé d'être un peu plus indiscipliné ou plus intense pour prendre des pénalités. Mais bon, heureusement, les Sags ont réussi à l'emporter contre le Scénic de Rimouski. Ça a été un match quand même assez serré entre les deux clubs. C'est des bons matchs entre les deux équipes depuis le début de la saison. Le Scénic donne du fil à retordre au Saguenay depuis plusieurs années. Heureusement, les Sags ont réussi à battre les Huskies. Xavier Potvin, qui était devant le filet, il a très bien fait. On a deux gardiens très, très prêts, là, je dirais, pour le reste de la saison et surtout pour les séries éliminatoires. Que Giulio fasse défaut, ben il reste Xavier Potvin derrière. Non. C'est très, très, très rassurant pour la suite des choses. Puis, parle-moi, Frédéric, alors, troisième étoile de la semaine. Oui. D'ailleurs, on va peut-être Saint-Passe. Bonhomme Allan, il est quatrième meilleur défenseur de la Ligue de hockey junior du Québec. C'est quand même pas mauvais, là. C'est pas à dédaigner. Exact. Puis, Fred, il y a eu un passage à vide, je dirais, de mi-décembre, presque jusqu'au début janvier, où ça a été plus tough là, dans ses performances. On a pris un peu plus sur ses épaules. Puis ça l'a pas nécessairement servi, je dirais, pour ses performances offensives. Mais bon, semble vouloir retrouver son aplomb de la saison dernière où il était derrière Samuel Girard chez les défenseurs. Il reste encore beaucoup de hockey. Ça va être difficile de rattraper tout ce beau monde-là dans le haut du sommet. Mais bon, s'il connaît quelques matchs de Saint-Passe, là, ça va bien aller. Écoute, il était... Puis, tu sais, des passes, c'est ça qui est plate. Tu l'oublies un peu. Souvent, tu retiens le marqueur, puis tout ça, puis... les étoiles étaient descendues en fin de rencontre, puis on était plusieurs à se demander, coudonc, pourquoi alors à la première étoile? Pourquoi alors à la première étoile? On a regardé le sommaire, puis on a compris assez vite. On était tous dans le champ. On voyait Nicolas Roy, on voyait, bon, la blessure à Rouptsov, puis on a oublié qu'une Fred Allard a marqué 5 passes, qui a cumulé 5 passes dans ce match-là. Le record des Sags, c'est 8. Il a été fait 2 fois. Je suis pas sûr qu'on va revoir ça, 8 passes dans un match dans le hockey de 2017, mais 5 passes, là, c'est un bel exploit pour le produit des Predators de Nashville. Ben oui, effectivement. Avant de parler de la Ligue junior du Québec, est-ce que je veux te parler des Trackers de Bécomo? Je regarde, oui. Parce qu'on dit que c'est un excellent repêchage, je tenais, puis eux, ils vont monter assez vite, là. Parle-moi de la semaine des Saguenay. À quoi s'attendent les Saguenay cette semaine? Les Sags, eux, bon, c'est jeudi, vendredi contre les Foreurs de Val-d'Or. Okay. Ceux qui veulent venir au match jeudi, il reste seulement quelques billets assis. Promotion avec les gens du Québec d'Alma qui seront présents. On va présenter les 16 sports qui constituent les deux blocs là, de la compétition qui se déroulera dans une couple de semaines du côté d'Alma, qui est très importante pour la région. Puis les Sags ont décidé d'encourager les Jeux du Québec en les aidant pour leurs moyens de financement. Ils vont être plus de 2000 là, membres ou partenaires des Jeux du Québec à être présents dans les estrades dans le match de jeudi. Ça risque d'être très, très, très festif dans les estrades. Plein d'athlètes, plein de gens en santé pour voir le retour de David Noël et Jake Smith là, pour les deux matchs. C'est un programme double contre les Foreurs de Val-d'Or. Ça arrive à tous les ans. Il y a une équipe de l'Abitibi, une des deux, qui joue deux matchs ici à la maison. Nous, on va en Abitibi à chaque année, puis c'est une équipe deux matchs, une équipe un match, puis c'est vice-versa là, à la maison. C'est comme ça pour sauver des coups, puis c'est pour ça aussi que les Sacs jouent 10 matchs contre le Drakkar de Bécomo. Ça nous évite d'aller faire un deuxième voyage en Abitibi qui est extrêmement coûteux, extrêmement complexe, extrêmement long, et surtout, l'Abitibi, c'est l'Abitibi. Rouen, c'est mieux que Val-d'Or, je dirais ça. Ah oui, c'est mieux. Hey, je veux parler avant de parler d'une question qui me vient. Depuis que Rouen est arrivé, ça a disparu au nombre des spectateurs? Oui, définitivement. Le premier match, entre autres. 300 personnes, à peu près? Plus. Ouais, même plus que ça. Là. Il y a eu 500-600 personnes de plus là, dans le premier match où il a joué. Ça a été un peu plus tranquille là, jeudi et vendredi. Jeudi contre les Foreurs, contre les Huskies, j'étais un petit peu déçu de la foule, mais ça va revenir là, et Rouptsov va attirer les foules là, particulièrement en séries éliminatoires, ça j'en suis convaincu. OK, je veux te parler du Drakkar de Bécomo parce que ça va être un excellent repêchage cette année, un des meilleurs depuis fort longtemps, avec Xavier Parent, il y a Lafrenière également, il y a le fils à Patrick Poulin. Les Dakar, je pense, je ne me trompe pas, ils ont deux choix dans les cinq premiers, hein? Ben, écoute, ça va être le boulier qui va décider le résultat. Mais tu parles de l'excellent repêchage. Il y a cinq très bons joueurs, mais après ça, c'est un repêchage comme les autres. De ce qu'on me dit du côté des DG, la profondeur est peut-être pas au rendez-vous. Oui, les cinq, six premiers, La Ferrière, Poulin, Parent, puis Jacob Pelletier aussi de Québec qui commence à monter dans les classements. Mais ça s'arrête là. Après ça, c'est un repêchage comme les autres. Là. Mais effectivement, les 5-6 premiers sont assez très bons, merci. Le Drakkar, oui, il a plusieurs chances. Les Wildcats de Moncton aussi sont bien positionnés. Mais le Drakkar, il faut que tu regardes le travail qui a été fait au dernier repêchage. Les quatre choix là, effectués par Steve Aaron en première ronde vont être quatre très, très, très bons joueurs dans les prochaines années. Avec les Sean Element là, va être très bon. Fortier va être excellent aussi. Le défenseur qu'ils sont allés chercher aussi. Il y en a un que j'oublie. C'est quatre bons joueurs pour ils ont très bien fait le travail. Là. Steve Aaron a bien dealé avec les contraintes que le marché de Bécomo impose, c'est-à-dire des joueurs qui ne veulent pas jouer du côté de Bécomo. On l'a vu avec Nathan McKinnon, on l'a vu avec d'autres aussi dans le passé. Mais là, bon, on est allé chercher des bons joueurs, puis ça augure très, très bien. Et on va souhaiter au Drakkar d'avoir encore une bonne position. Mais que, si c'est pas la Ferrière, le premier évident là, pour le repêchage, les autres suivants sont quand même pas pires aussi. Peut-être dans le cas de Parent, ça va être sa petite stature qui va être plus difficile. Mais dans le junior, on va s'en sortir. C'est peut-être pour les rangs supérieurs que ça va être plus difficile. Mais je pense que les 4-5 premiers sont voués à une belle carrière junior. Là, ça, c'est sûr. Ben, écoute, Xavier Parent, ça fait longtemps qu'on l'entend parler. Là. Ça fait au moins 2-3. Je n'ai entendu parler depuis son passage au tournoi Pee-Wee Québec. Oui, puis le fils de Patrick Poulin, même chose. Ça va être intéressant. La Fonnière, c'est la première année qu'on entend vraiment parler, mais les deux autres, là, ça fait un bon bout de temps qu'on les a... Je n'ai pas vu la Ferrière, mais on me dit qu'il est très loin devant les autres. Oui, c'est très ça. Loin. Et pourtant, c'est la première année qu'on entend parler de lui. Sébastien, un gros, gros merci. J'ai bien hâte de parler à Dicky. Dicky vient de me confirmer qu'il va être avec nous autres. Ça va être assez drôle, merci. M'en dit s'il a mal aux pieds. Il devait être content que ce soit fait, par exemple. Oui, exactement. Puis, tu sais, au dernier matin, il n'était pas nerveux qu'il se disait, mais plus la journée avançait, puis surtout quand il est arrivé, puis que les joueurs le regardaient, il a commencé à comprendre qu'il était peut-être dans le trouble, finalement. Ils l'ont-tu ménagé? Oui, c'est sûr et certain. Là, il n'y a pas eu de tir à très grande puissance. Puis c'est correct comme ça. À un moment donné, on blaguait avec ça. Mais faut pas le blesser non plus. Faut pas le mettre dans une situation dangereuse. C'est une rondelle bien placée peut faire de très gros dégâts. Ouais, effectivement. Ben, merci beaucoup, Sébastien. On s'en parle cette semaine. Ou la semaine prochaine. Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenay.